Bonjour, voici Bluesy, une émission proposée par Denis Claraz. Such a long time. Every time I hear your voice whisper my name, it makes me wanna break down and cry. I feel you every morning, watching every move I make. I know you expect me to do something wrong. You know that's a fool's mistake. See, I'm trying to move on, put the past behind. You see, I bettered myself, thank God I've got an open mind. I walked through muddy waters, swam in the deep blue sea. Big someday. See, I'm trying to move on, put the past behind. You see, I bettered myself, thank God I've got an open it big someday. See, I'm trying to move on, put the past behind. You see, I bettered myself, thank God I've got an open mind. I bettered myself. Bienvenue à toutes et à tous dans Bluesy, une émission comme d'habitude extrêmement variée, consacrée au blues, à tous les blues. Et on a commencé avec Katie Henry, une chanteuse dont l'album a été produit par Bernard Allison. Cet album, c'était Get Going et le titre d'ouverture pour rythmer un petit peu l'émission, Clear Vision. Un peu de blues traditionnel maintenant avec Jameson Thomas et son The Real Catfish Blues, si tant est qu'il y ait eu un catfish blues qui n'ait pas été réel. This is what you call the low down of the delta, the real catfish blues. Telling you about how you got to watch your woman and all of this stuff. I'm gonna tell you most of it. I can't tell you all of it. I'm gonna tell you the most of it. I want you to listen to the voices, don't listen to the music. I want you to listen to what I'm saying. Mm-hmm. Well, I done fished, fished in the ocean. Yeah, I done fished in the deep blue sea. Well, I can't catch no fish, and I don't want you to mention no fishes. Mention no fishes, fishes to me. Get your meat, meat from a butcher. Yeah, your cream from a Jersey cow. Get your loving from a brown skin woman, 'cause she knows how. I know she knows how. I said, belly, listen at this, belly to belly, yeah, skin, skin to skin. Well, nice two things working, but ain't but one going in, ain't but one going in. This is what I did one night. Well, I tip to my wonder. Yeah, I eased up my blinds. Heard my bed springs pop and I could hear my baby crying. Hear my baby crying. She got nipples, nipples on her titty. Yeah, she got nipples on her tongue. Well, not a way she screw, not a make a dead man come. Make a dead man come. Well, the next time I marry, I ain't gonna buy now another broom. Well, she got hair on her belly now, sweep my kitchen, dining room. Can I get it? Baby, you keep on snatching it back. Well, I believe sometime you got in your rubber in your back. In your rubber in your back. In your rubber in your back. Baby, if I can't can't get into bed. Let me make a pallet down on the floor. Leave so early the next morning, now yo. Real man or never, you know you'll never know. La formation que nous avons écoutée, c'est Gumbo, une formation qui nous vient tout droit de Suède. Alors c'est vrai que c'est un pays dans lequel on trouve vraiment d'excellents groupes, d'excellents musiciens. Ça date un petit peu ce disque-là d'une vingtaine d'années. Nous avons entendu donc Lonesome, Sad and Blue, extrait de l'album Everyday Sensation. On a fait référence, que ce soit à travers le premier titre et puis aussi à travers le second, on a fait référence à Muddy Waters, alors autant l'écouter maintenant, avec l'un de ses classiques, ça s'appelle « She Moves Me ». Done. she moves me, man. Honey, I don't see how it's done. She got a pocket full of money. Little doll, don't try to help me, no. She moves me when she get drunk. Then she say I'm not nowhere. She call me a dumbbell. She say I'm nothing but a square. She moves me, man. Honey, I don't see how it's done. She got a pocket full of money. The little girl don't try to help me, though. What kind of woman is that? She moved a crazy man. He said, now I'm not so dumb. I take him to a funeral, boy. The dead jumped up and run. She looked at a deaf and dumb boy. Said, now I can speak. She shook a finger in a blind man's face. Once a blind but not see, she moves me, man. Honey, I don't see how it's done. She got a pocket full of money. The little girl don't try to help me, though. Alors, presque dernière ligne droite hein, pour cette émission de Bluesy. On va faire un petit tour du côté d'enregistrement un peu traditionnel, pour ne pas dire très roots. Et on va commencer par un harmoniciste. On n'a pas eu encore dans cette émission. Il s'appelle Shaky Horton, bien connu du label Chess dans les années 50. Le voici avec Good Morning Blues, un titre de Willie Dixon. Thank you. quand on voit la liste des musiciens pour ce que nous venons d'entendre, ça laisse un peu rêveur quand même. Allez, on va les citer, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc Willie Dixon, dont je disais qu'il avait écrit le titre, était aussi le bassiste. Et l'homme aux plaintes que l'on entendait, les seules parties vocales, il y avait évidemment l'harmoniciste Walter Horton, enfin Shaky Horton, ou Big Walter Horton, selon le cas. Buddy Guy à la guitare, peut-être que vous aurez reconnu son jeu assez clair hein, et pointu. Jack Myers à la basse et Willie Smith à la batterie. Voilà. Eh bien, sur ces belles paroles, on va se quitter. On va se quitter en musique, comme toujours. Hein. Alors, avec encore un titre plutôt traditionnel, mais un titre enregistré bien plus récemment par M. Calvin Jackson. Alors, Calvin Jackson, c'était un batteur, qui aimait la boisson, il faut le reconnaître, ça lui a coûté la vie. Mais aussi, c'était un batteur-chanteur assez exceptionnel. C'est rare, d'ailleurs, d'avoir, dans le domaine du blues, il doit y avoir une poignée de batteurs qui sont aussi chanteurs et compositeurs. Donc, on va l'écouter avec Going Down South. Allez, à très bientôt. Merci d'avoir suivi Bluesy. You know, I met this girl. She tried to step out on me. I told her, asked her where was she going, madam. This is what she told me. Tell her. You going down south, baby. I got to go with you, you know. Now I just told her like this. I'm going with you, babe. I'm going with you, babe. Going with you, babe. I'm going with you, babe. Going with you, babe. I'm going with you, babe. girl didn't want to stay with me no way. I could almost feel it. But before we even left out of that town, before she got across that bridge, I asked Cass on the guitar, Cass, could you tell me what you were saying? He said something. Got through telling me that, you know, I told him, I think you're right, man. But you know what I kept on telling him? I'm going. Don't care where you. C'était Bluesy, une émission présentée par Denis Claraz.